Chapitre 9. La duchesse radote et Alice fait la connaissance d'une tortue à tête de veau. Ma chère amie, vous ne pouvez pas vous imaginer combien je suis contente de vous revoir, dit la duchesse en passant aimablement son bras sous celui d'Alice. Alice n'était pas moins contente de trouver la duchesse en aussi bonne humeur, et elle se disait qu'après tout, c'était peut-être bien, tout simplement, le poivre qui l'avait rendue grincheuse la première fois dans la cuisine. « Quand je serai duchesse, pensait la petite fille, je ne mettrai pas de poivre dans ma cuisine. On peut très bien faire la soupe sans poivre, et l'on y gagne d'être d'une humeur charmante. De même, le vinaigre rend les gens acariâtres, et la camomille les rend fades. » Tandis que les bonbons rendent les enfants caressants et doux. Si l'on savait ça, on n'en serait pas si avare à la maison. « Vous pensez sans doute à quelque chose, ma chère, dit la duchesse. Vous en oubliez de me parler. Je ne peux pas sur le champ en tirer la morale, mais je vais vous la trouver dans un instant. » « Il n'y en a peut-être pas, hasarda Alice. « Taratata, enfant, répartit la dame. « Toute chose a une morale, il s'agit seulement de la découvrir. » Et la duchesse serrait plus étroitement le bras d'Alice. Alice n'aimait pas beaucoup le voisinage de la noble dame, d'abord parce que celle-ci était très, très laide, ensuite parce qu'elle était si petite qu'elle appuyait son menton sur l'épaule de l'enfant, un menton pointu comme un clou, et qui piquait à faire crier. Cependant, par politesse, Alice supporta ses petits ennuis. « Le jeu a l'air de mieux aller maintenant, » dit-elle pour dire quelque chose. « En effet, » reconnut la duchesse, « et la morale de cela est « Oh, c'est l'harmonie qui fait tourner la terre !»« J'ai entendu dire, » déclara Alice, « que c'était quand chacun s'occupait de ses affaires que la terre tournait bien. « Parfaitement, ce qui revient au même, » affirma la duchesse. Et elle enfonça son petit menton pointu dans l'épaule d'Alice, ce qui ne l'empêcha pas d'ajouter. « Autre morale, tenons bien le gouvernail et la barque ira droit. » « Quelle manie a cette femme, » pensa Alice, « de mettre des morales partout. » « Je parie que vous vous demandez, » fit la duchesse. « Pourquoi je ne mets pas mon bras autour de votre taille ?»« C'est parce que j'ai des doutes sur le caractère de votre héron. Est-ce une bonne bête, pas méchante ?»« Je n'en répondrai pas, » dit Alice pour calmer les tendresses de la duchesse. « Il a le bec pointu et il pique. »« Oui, » dit la duchesse, « la moutarde et les hérons, ça pique également. Morale, oiseaux qui se ressemblent, « Mais la moutarde n'est pas un oiseau, » observa notre amie. « C'est vrai en général, » acquiesça la duchesse. « Comme vous savez dire les choses clairement. »« La moutarde est une plante, » continua Alice. « On ne le dirait pas, mais c'en est une tout de même. »« Je suis tout à fait de votre avis, » dit la duchesse. « Et la moralité de cela est, soyez ce que vous êtes, ou si vous préférez, « ne vous imaginez pas être autrement qu'il pourrait paraître à autrui que ce que vous étiez ou paraissiez être n'était ce que vous seriez si vous paraissiez être autrement que vous n'êtes. »« Je crois que je comprendrais mieux, avoua Alice, si cela était écrit. Mais à vous entendre, je ne saisis pas très bien. J'ai de la peine à suivre. » »« Et pourtant, déclara la duchesse sans fausse modestie, « cela n'est rien auprès de ce que je pourrais dire si je voulais. »« Oh, je vous en prie, » s'écria Alice, « ne prenez pas la peine d'en dire plus long. »« Ce n'est pas une peine pour moi, » dit la dame. « Je vous fais volontiers cadeau de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. »« Joli cadeau, » pensa Alice. « Heureusement qu'on ne fait pas à Noël des cadeaux comme celui-là. »« Vous pensez encore ?» demanda la duchesse en enfonçant de nouveau son menton pointu dans l'épaule d'Alice. « Eh, j'ai bien le droit de penser ? » s'écria celle-ci qui commençait à s'impatienter. Exactement comme les petits porcs ont le droit de voler, fit la duchesse. Et la mort, au grand étonnement de notre jeune amie, la duchesse n'acheva pas sa phrase. Son mot favori de morale mourut sur ses lèvres, et la pauvre dame se prit soudain à trembler comme la feuille au vent. Alice comprit ce grand trouble quand elle aperçut la reine qui se tenait là, debout, les bras croisés et l'air terrible. La duchesse reprit ses sens pour s'incliner devant sa majesté et bredouiller d'une voix enrouée d'émotion « Une belle journée, votre majesté !» La reine prononça « Duchesse, je vous avertis loyalement. Il faut que votre tête disparaisse d'ici à l'instant, soit qu'on vous la coupe, soit que vous vous en alliez. Choisissez !» La duchesse n'hésita pas. Elle prit ses jambes à son cou et disparut tout entière. « Retournons au jeu !» dit la reine, s'adressant à Alice. Celle-ci était tellement épouvantée des airs terribles de la reine qu'elle ne put que suivre docilement sans rien dire. Une partie de croquet recommença, et ce ne fut pas moins difficile ni moins tragique que l'autre. La reine, qui, décidément, devait être dans un de ses mauvais jours, ne cessait de condamner à mort les infortunés joueurs. On l'entendait à tout instant qui criait « La tête coupée à celui-ci! Décapitez-moi celui-là !» Tant et si bien qu'à la fin, il ne resta plus sur la place que le roi, la reine et notre amie Alice, tous les autres joueurs ayant été entraînés par les soldats pour être exécutés. La reine demanda à Alice « Avez-vous vu la tortue à la tête de veau ?»« Non, » répondit Alice. « Et j'avoue même que je n'en ai jamais entendu parler. »« Venez alors !» dit la reine. « Elle vous racontera son histoire. » Tandis qu'elle s'en allait de compagnie, Alice entendit le roi murmurer dans l'oreille des condamnés à mort qu'on emmenait « Vous êtes tous graciés !»« Ah, voilà un bon roi !» pensa Alice. « Et je comprends que la reine condamne les gens à mort avec cette facilité. » Cela n'a pas grande importance, puisque le roi les gracie ensuite. Alice et sa royale compagne arrivèrent bientôt à un endroit du jardin où dormait, en plein soleil et le plus tranquillement du monde, un beau griffon. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un griffon, voyez l'image ci-jointe. Le griffon est un animal fabuleux qui possède un corps de lion avec une tête et des ailes d'aigle. « Debout, paresseux !» cria la reine. « Conduisez cette jeune demoiselle auprès de la tortue à la tête de veau !» Et Alice demeura seule avec le griffon. Mais elle n'en fut nullement effrayée. Elle pensa, avec raison, qu'elle ne courait pas plus de danger avec cet animal qu'avec la cruelle reine. Le griffon se leva sur son séant et se frotta les yeux. Il jeta un regard sur la reine au moment où celle-ci allait disparaître. « Quelle comédie !» dit-il en étouffant un petit rire. « Qu'est-ce qui est une comédie ?» demanda Alice. « Mais la reine est tout ce qu'elle raconte, » dit le griffon. « Les choses n'existent que dans son imagination, voyez-vous. Elle condamne tout le monde à mort. » Et l'on n'exécute jamais personne. Mais il n'est pas question de cela. Suivez-moi. » Ils marchèrent quelques minutes et ils se trouvèrent bientôt en présence de la tortue qui, triste et solitaire, assise sur un rocher, pleurait et poussait des soupirs à fendre l'âme. « Pourquoi pleure-t-elle ? » demanda Alice au griffon. Et celui-ci répéta à peu près sa première phrase. « Cela n'existe que dans son imagination, voyez-vous. Elle n'a pas plus de chagrin que moi. » La tortue regarda ses visiteurs avec ses deux grands yeux de veau, ronds et pleins de larmes. « Voici une jeune demoiselle qui désire connaître votre histoire, » dit le griffon en présentant Alice. « Je vais la lui raconter, » prononça la tortue d'une voix caverneuse. « Asseyez-vous tous les deux, et ne dites plus un mot avant que j'aie fini. » Ils s'assirent, et pendant 5 bonnes minutes, le silence le plus profond régna. Alice se dit à la fin, « Je ne vois pas comment elle pourra jamais finir si elle ne commence pas. » Cependant, la tortue se décida à parler, après un nouveau et lamentable soupir. « Autrefois, dit-elle, je n'avais pas cette horrible tête de veau sur les épaules, et j'étais une vraie tortue. » Nouveau silence qui dura longtemps aussi, et qui ne fut coupé que par un « crouic » que poussa le griffon et par quelques sanglots de la tortue. Alice faillit se lever et dire « Merci bien, madame, votre histoire était fort intéressante. » Mais elle pensa qu'il devait tout de même y avoir une suite, et elle resta. « Quand nous étions petites, » reprit enfin la tortue à la tête de veau, « nous allions, mes sœurs et moi, à l'école, à la mer. » La maîtresse était une vieille tortue que nous appelions Madame Tyran. Pourquoi ? Questionna Alice. Pourquoi l'appeliez-vous Madame Tyran puisque c'était une Madame Tortue ? Nous l'appelions Madame Tyran parce qu'elle nous faisait la classe, s'écria la tortue avec colère. Vraiment, vous êtes tout à fait idiote. « Vous devriez avoir honte, dit le griffon, de poser une question aussi naïve. » Et tous deux regardèrent la petite fille avec une fureur indignée qui intimida fort notre amie. Mais le griffon engagea bientôt la tortue à continuer son histoire. « Allons, en route, ma vieille, dit-il, ne restons pas toute la journée là-dessus. » « Oui. » reprit donc la tortue. « Nous allions à l'école, à la mer, quoique vous ne vouliez pas le croire. » « Je n'ai jamais dit que je ne le croyais pas, » protesta Alice. « Vous l'avez dit, » affirma la tortue. « Non, » cria Alice. « Retenez votre langue, » hurla le griffon en menaçant Alice de ses griffes. Alice se fit toute petite et n'osa plus desserrer les dents. La conteuse reprit. « En somme, nous recevions la meilleure des éducations. Nous allions à l'école tous les jours. »« Moi aussi, je vais à l'école tous les jours, » osa dire Alice d'une voix boudeuse. « Il n'y a pas là de quoi en être si fière. » « Avec art d'agrément ?» demanda la tortue. « Parfaitement, répondit Alice, avec art d'agrément, nous apprenons le dessin et la musique. » « Et le lavage ? Fit la tortue. « Le lavage ? Répéta Alice avec mépris. « Non, vous ne voudriez pas. » « Alors votre école n'est pas vraiment une bonne école, déclara la tortue. « Le programme de la nôtre comportait dessin, musique et lavage comme art d'agrément. » « Mais, fit Alice, je ne vois pas bien, madame la tortue, en quoi le lavage vous était utile ?»« Oh, moi !» avoua tout à coup la tortue. « Je n'avais pas les moyens d'apprendre le lavage, ni les autres arts d'agrément. J'ai suivi le cours ordinaire. » « Et en quoi consistait ce cours ordinaire ?» demanda Alice. « Il y avait naturellement, et pour commencer, » dit la tortue, « des leçons de prestidigitation, puis des leçons de maintien, de divertissement, d'esprit, de l'édification. »« Qu'est-ce que c'est que la l'édification ?» questionna Alice. Le griffon, de surprise, leva les pattes au ciel. « Comment vous ne savez pas ce que c'est que la l'édification ? » s'écria-t-il. « Vous n'ignorez pas cependant, je suppose, ce que c'est qu'embellir. » « Je ne l'ignore pas, en effet, » dit Alice sans beaucoup d'assurance. cela signifie rendre une chose plus belle. Eh bien, alors, reprit le griffon, vous devez également comprendre ce que signifie l'édifier, ou vous n'êtes qu'une sotte. Alice n'eut guère envie de continuer la conversation sur ce sujet. Aussi demanda-t-elle à la tortue. « Et qu'appreniez-vous encore à cette école ?»« Eh bien, reprit la tortue en comptant sur ses doigts, il y avait les mystères anciens et modernes, l'océanographie, puis l'art de parler lentement. Le monsieur qui nous apprenait à parler lentement était un vieux crabe. Il ne venait qu'une fois par semaine. Il nous enseignait encore l'art de s'étirer et l'art de disparaître en rentrant sa tête sous sa carapace. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda Alice. « Je regrette de ne plus pouvoir vous le montrer moi-même, » répondit la tortue. « Mais voyez-vous, aujourd'hui, avec cette énorme tête de veau, il ne m'est plus possible de rentrer sous ma carapace. Quant au griffon, il n'a jamais appris. « Pas eu le temps, » grommela le griffon. « J'ai été cependant à l'école, moi aussi. » J'avais comme professeur un vieux phoque. « Ah, j'aurais bien voulu le connaître, » dit la tortue, « car j'ai entendu dire beaucoup de bien de lui. Il enseignait le rire et les larmes. »« c'est cela, » confirma le griffon en soupirant. Et tous deux, cachant leur tête dans leurs pattes, se mirent à sangloter. Alice se hâta de changer le cours de la conversation. « Combien d'heures par jour consacrait-on aux leçons ?»« 10 heures le premier jour, » répondit la tortue. « Puis 9 heures le second, puis 8 heures le troisième, et ainsi de suite. »« Quel drôle de système !» s'écria Alice. « C'est le sens du mot « leçon », » remarqua le griffon. « Nous en laissons tous les jours un peu, comprenez-vous ?» C'était là une idée si nouvelle pour Alice qu'elle en demeura rêveuse 2 bonnes minutes. Et puis elle demanda. « Alors, le 11e jour était un jour de vacances ?»« Naturellement, » répondit la tortue. « Et le 12e, que faisiez-vous ? » fit Alice avec une petite pointe de moquerie. « Assez bavardé de leçons !» conclut brusquement le griffon d'un ton péremptoire. « Venons-en au jeu, ma chère dame tortue !»